habite dans la perfide Albion. Loin de nous, rouge, mon saucisson, expatrié en autostop dans le pays de la musique pop. J'espère qu'un jour viendra mon heure où je vendrai comme Mylène Farmer. Mais pour le moment, je regarde la pluie tomber de ma mansarde. Pas trop naze, j'suis devenu un pro de Cubase. Ici on me comprend partout, les gens jouent même dans les égouts. Y'en a qui chantent dans des poubelles, qui nous en livrent des décibels. Y'a même le vieux avec son chien qui jappe à chaque fin de refrain. Les roast-beef qui gravent, tout ce qu'on n'aime pas, ils savent recycler le trash pour en faire un bijou. Les roast-beef qui les bons riflés sont techno, pas d'a priori, la culture on s'en fout. On s'en fout. Igrog, on écoute que du jazz. Ils ne connaissent pas, c'est tous des nas. Ils nous prennent tous des intellos. Un jour, je ferai mon tome pour coup. Ils savent même pas qui est Renaud. C'est vrai que pour aimer leur sort, pas besoin de connaître les autres. Car quand on a quelques bonnes séries, toutes produites par la BBC. They really aren't. Thanks very much, Mr. Clark. Aren't you two forgetting something? Oh, you build in. Now, there's nothing to worry about, but surgery's come such a long way since those early years when it was just optimistic butchery. I mean, think how lucky you are. If this had been 70 years ago, I would only ever practice this operation on dogs. We've stopped pouring boiling oil into open wounds and lobotomizing with ice picks and swapping of body parts. No, so sorry, actually, we still do that. Now we have anesthetic to stop you writhing about in agony. So relax, and we'll have you opened up in no time at all. A History of Surgery, coming soon to BBC Four. It's perfectly normal to feel a little bit nervous. Alors soyons plus indulgents. On est voisins, pas opposants. Si tu prends pas un peu de recul, comment veux-tu que je t'en... Pour finir plus en poésie, lisez donc la Comtesse d'Orsay. Venez écouter ta bonheur, même sous des ciels à la Turner. Les roast beef qui gravent, tout ce qu'on n'aime pas, ils savent recycler le trash pour en faire un bijou. Les roast beef qui trollent, les bons riflés sont techno, pas d'a priori, la culture on s'en fout. Les roast beef qui gravent, tout ce qu'on n'aime pas, ils savent recycler le trash pour en faire un bijou. Les roast beef qui trollent, les bons riflés sont techno, pas d'a priori, la culture on s'en fout. Le trash pour en faire un bijou. Les roast beef kiffent trop, les bons riflés sont techno, pas d'a priori, la culture on s'en fout. Les roast beef kiffent grave, tout ce qu'on n'aime pas, ils savent recycler le trash pour en faire un bijou. Les roast beef kiffent trop, les bons riflés sont techno, pas d'a priori, la culture on s'en fout. Les roast beef kiffent grave, qu'on n'aime pas, ils savent recycler le trash pour en faire un bijou. Oh, ça c'est bon, ça. Les roast beef qui trop, les bons riflés sont techno. Bad a priori, la culture on s'en fout. On s'en fout. Bon, mais moi j'y vais, hein. Vincent, je te dépose. Non, merci, j'ai mon scooter. Et les deux autres nazes sont partis. En fait, je crois que ce soir ils ont pire. Bon ben moi ce soir je me fais un petit resto spécial fromage, ça dirait une bonne tartiflette. Je suis pas trop fromage fondu, j'apprécie plus en fin de repas. Bah ils font des salades aussi. Pardon de te couper, mais là la chanson commence à s'éterniser. Tu sais que sur énergie après 2 minutes 30 ils t'arrêtent. Heureusement qu'on y bosse jamais. Oups.